Pour aborder la période de questions, j'aimerais que tu parles un peu de la puissance mentale, développer une puissance mentale dans l'astral. C'est une mécanique qui est toujours délicate un peu à parler. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les égos qui récupèrent ce qu'on va expliquer sur la puissance mentale. Un être humain puissant est un être humain qui n'est pas celui qui recherche le pouvoir. Et bien souvent, quand quelqu'un veut faire une colère mentale, c'est une personne qui est écœurée, mais qui est écœurée astralement. C'est pas une personne qui comprend la mécanique. Ce n'est pas une personne, par exemple, qui va faire une colère mentale quand ça va être le temps. C'est une personne qui va faire une colère mentale parce qu'elle est poussée à faire une colère mentale. Donc, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une autorité mentale dans l'astral. L'autorité mentale dans l'astral, ça se développe lorsque l'individu est capable d'être suffisamment autodiscipliné. Parce que l'astral, le plus près de l'humain, c'est son âme. L'individu est capable d'avoir une autorité au niveau, minimum une autorité au niveau de ce qu'il vit. Il a déjà une autorité mentale dans l'astral. Et progressivement, l'individu doit développer par le contrôle de sa parole, par le contrôle de sa voix. Il doit développer une aristocratie du langage qui va faire en sorte qu'il sera respecté énergétiquement et au niveau de la forme par les mécaniques astrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain qui continuellement dans son langage se sert de péjoratif, c'est un être humain qui glisse à côté de l'autorité mentale. Un être humain qui continuellement se plaint est un être humain qui glisse à côté de l'autorité mentale. Et un être humain qui parle avec arrogance, avec pouvoir, avec astralité, nécessairement est un être humain qui est totalement exclu de l'autorité mentale. L'autorité mentale dans l'astral amène à l'humain une autorité mentale dans le plan vital et bien souvent une autorité mentale au niveau du plan physique. Lorsque l'humain développe la voix, une voix mentale, lorsque l'humain développe la parole, une parole juste, les deux alliés ensemble avec une énergie supramentale, ça donne le verbe. Le verbe, c'est une mécanique énergétique ondulatoire qui a la caractéristique de faire vibrer, selon sa structure, ce qu'elle va frapper. Avec le verbe, on peut transformer la matière, on peut bouger les individus, on peut forcer des mouvements, on a une autorité mentale. Maintenant, l'être humain qui a pratiqué, il y a quelques exercices qui se font de temps en temps, au niveau du groupe des chefs, où il y a cette pratique de l'autorité mentale, soit dans des colères mentales, ou dans des colères qui sont infernales. Et il y a des individus qui parviennent relativement bien à une colère mentale suffisamment ajustée, parce que ces fois-là, il y a toujours une pluie. Une pluie particulière, c'est de l'énergie vitale, c'est de la manne. Il y a une pluie qui se déclare, donc il pleut autour des individus. Alors qu'un individu qui n'a pas d'autorité mentale dans l'astral, l'individu qui est uniquement qui a du pouvoir et qui est astralement puissant, donc en réalité qui est relativement faible, lorsqu'il fait son autorité mentale, tout ce qu'on entend dans sa voix, c'est des flèches qui sont tirées, c'est-à-dire que c'est un peu comme uniquement des défis qu'il lance, parce qu'il est convaincu qu'il est de l'autre côté d'une grosse clôture. Et la journée que la clôture tombe ou qu'il y a une porte qui était mal fermée, et que l'individu... J'ai connu des individus qui, à un moment donné, se sont essayés en pleine forêt. Alors, ils se mettent à crier, ils se mettent à gueuler, ça va bien. C'est impeccable. Et ils parlent des mécaniques très, très noires, très sataniques, et puis ils les mettent au défi. Et à un moment donné, bien, il y a un chef qui revient du lac, qui marche en démarche flottante dans le bois, qui passe en arrière de l'individu. Et l'autre, il gueule. Et puis, à un moment donné, bien, veut pas, c'est la nuit, et puis il y a quelques branches qui craquent, et puis celui qui gueule, ben, oups, subitement, il gueule plus. On l'entend faire une course flottante. Là, il y a un chef dans le bois qui fait un rire flottant. Il y a des... Donc, l'autorité mentale, ça se développe, c'est intéressant, c'est extrêmement puissant, ça... Quelqu'un dirait, oui, mais ça permet quoi? On n'en a rien à foutre de ce que ça permet. Mais sans savoir ce que ça permet, un individu qui développe son autorité mentale peut s'en taper plus aisément dedans. Non. Un individu qui développe de l'arrogance mentale dans l'astral, oui. Un individu qui développe une autorité mentale dans l'astral, il ne peut pas se faire taper, il ne se fait pas taper. OK, à ce moment-là, il n'y a pas de différents niveaux. Non. Par contre, l'individu peut être dans un état particulier à un moment donné où il, s'il est avec d'autres individus, peut bénéficier de l'énergie mentale des autres individus et monter à un état suffisamment nigoré d'autorité mentale dans l'astral, mais normalement, ça ne revient pas non plus contre lui. Et l'individu qui fera ça seul, il fait que de la puissance mentale, du pouvoir astral, il aura de l'arrogance mentale dans l'astral. Alors lui, il sera convaincu qu'il a fait une colère mentale, qu'il a, etc., puis pourtant ça n'a pas marché parce qu'en venant chez moi, je me suis fait taper dedans. Il arrive que l'individu qui pratique ce genre d'exercice spirituel, c'est-à-dire l'arrogance mentale dans l'astral, l'intelligence va taper dedans, puis nécessairement, ben, l'astral est toujours content d'aller mordre un peu. Alors c'est pour ça que ça donne l'impression que l'individu se fait un peu plus taper. Parce que celui qui a une autorité mentale dans l'astral ne peut pas détester l'astral. Il ne peut pas la détester, mais est-ce qu'il peut devenir un danger? Il devient un danger, une forme de danger. C'est pas vraiment un danger, mais il devient une menace. Non, il ne devient pas une menace non plus. Il devient quelque chose qui est créé par l'astral. Okay. Et l'astral, lorsqu'elle craint quelque chose ou quelqu'un, elle ne s'en approche pas, c'est fini là. Ce n'est pas une peur, c'est une crainte. Quand on a peur, on peut devenir dangereux. Quand on craint, on est inhibé, c'est fini là, il n'y a rien à faire. Est-ce une forme de crainte qui apporte une forme de respect? C'est ça. À ce moment-là, est-ce que l'individu qui... Donc, l'individu qui développe suffisamment de puissance mentale dans l'astral, c'est déjà un individu qui est beaucoup plus contrôleur. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la pratique de la colère mentale, violente, de la colère mentale douce et de la litanie. C'est la raison de la pratique, c'est que ça permet à l'individu de pouvoir justifier sa voix, de pouvoir donc la rendre juste, de pouvoir développer sa parole et en même temps d'être capable de supporter la résonance de sa présence. Quand tu fais l'exercice, juste le fait de nommer ton nom, la majorité d'un être humain qui est trop égoïsé, on va se rendre compte que quand il donne son nom, il nous donne le nom d'un esclave. L'individu qui va faire l'exercice, c'est un individu qui est bien, bien correct. C'est un peu comme on parle de Satan, on parle du diable, c'est merveilleux, tout le monde est bien convaincu que c'est de la foutaise, etc., puis on y croit pas, puis c'est parfait. Bon, on est en plein bois, là. Oh, c'est parfait. Là, là, il est 1h du matin, il est temps qu'on aille se coucher, là. Ah. Là, il y en a 40 dans le temps, puis là, on commence, tu sais, puis la foutaise, pourtant, puis il dort pas de nuit. Alors, c'est un peu la même chose. C'est ça qui est la problématique des discussions de salon. Lorsque l'individu joue à quelque chose, c'est là que les dangers apparaissent. La personne qui s'en va hurler à la lune, ben, il y a des chances que la lune tombe sur la tête. Mais en réalité, les personnes qui hurlent à la lune ou qui font une colère mentale, l'astral qui lui est reflété, c'est son propre astral. Toujours. Et lorsqu'elle fait une colère mentale satanique, qu'est-ce qui est reflété? Est-ce que son propre astral encore, le rendu presque, bon, presque face à face avec l'antihomme? C'est son antihomme. Lorsqu'il arrive une colère mentale ou une colère satanique de groupe, que se passe-t-il? C'est l'antihomme du groupe, de ce groupe-là. C'est l'association des antihommes, des individus qui sont là. Quand une colère mentale, disons, on parle encore d'une colère mentale d'ordre satanique de groupe, c'est que les individus sont suffisamment en résonance du point de vue de leur schéma évolutif, donc nécessairement l'antihomme il est suffisamment en résonance aussi, ce qui fait que c'est un antihomme de masse qui vient. Mais dépendamment des individus ou des individus à l'intérieur du groupe, tout le monde peut facilement s'en sortir de façon assez intéressante. Si les individus demeurent très, très conscients tout au long de la colère mentale, est-ce qu'à ce moment-là, ça devient une forme de chirurgie au niveau de l'ego? Ça devient une forme de chirurgie, c'est là que la manne apparaît. Ça devient une forme de chirurgie astrale, sauf que jusqu'à date, il n'y a pas d'individus qui ont poussé suffisamment la structuration pour faire un travail d'ego, parce que les individus sont, encore une fois, légèrement trop assujettis à moi, entre autres. Il faudrait donc que les individus, après une colère mentale semblable, demeurent, restent vivants. Oui, et que chaque individu prenne le bois. Individuellement. Ah, évidemment. Et là, s'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont bien fait ça. Ben, évidemment, c'est sûr que s'ils reviennent au bout de 2 secondes, c'est parce qu'ils ont mal fait ça. Mais s'ils reviennent au bout d'une heure, 1h30, 2 heures. S'ils ne reviennent pas? Ben, ça n'a pas d'importance. Ça ne regarde pas. Bref, c'est vraiment pas un jeu. C'est vraiment un contact de l'individu face à la personne. Si l'individu fait ça en s'amusant, il n'y aura pas de problème. Si l'individu fait ça en jouant, il y a un maudit problème. OK. Oui. Et si l'individu fait ça sérieusement, ça va. Si l'individu se prend au sérieux en le faisant, il y a un maudit problème. Mais il y a des individus qui n'arrivent pas à voir s'ils se prennent au sérieux ou non. Non, c'est pour ça que c'est préférable que les individus... Faut faire attention aussi, c'est qu'il y a des régions particulières où un individu qui ne sait pas trop, qui se prend au sérieux, lorsqu'il va aller essayer dans une région particulière, ils ne sont pas capables. Okay. Donc, c'est préférable de faire ça là où on doit faire ça. Pour éliminer les dangers. Parce que l'énergie yin-yinique est tellement puissante que l'individu rendu là, il ne pourra pas rien faire. Mais là où on doit faire ça, décider par quoi? Par les terrains. Donc, tu peux me le demander où est-ce que c'est, je vais te le dire. Là, c'est un endroit, c'est je connais ça. Mais il y a un... Mais l'individu qui se promène comme ça, qui s'en va essayer de trouver une place, non. Pourquoi? Parce que la colère mentale, premièrement, il l'attire de moi. OK. Et c'est préférable, donc, qu'il se fie à tout ce que je vais rajouter là-dessus. Une personne me dit « Oui, mais moi, je suis prêt. » Puis moi, je dis « Non, t'es pas prêt. » Il me dit « Oui, je suis prêt. » Mais t'es pas prêt. Qu'est-ce que t'en sais? C'est moi qui ai inventé la technique. Hein? Écoute bien, je sais comment ça fonctionne. C'est comme je fabrique un avion en réaction, puis vous venez me dire que vous pouvez le piloter. Ben, je suis mieux placé pour vous dire si vous pouvez ou pas. C'est moi qui l'ai conçu. Puis lorsque l'individu fait une colère mentale, est-ce qu'il doit déjà avoir sa puissance mentale dans l'astral, son autorité mentale dans l'astral? La colère mentale, on peut la faire. On peut préparer le terrain. La colère mentale douce, c'est préférable d'être en pleine nature. La colère mentale anti-homme, la colère mentale satanique, c'est préférable d'être sur un terrain à préparer, moi ça. Mais est-ce qu'elle peut permettre une autorité mentale dans l'astral? Oui. Ou s'il faut déjà l'avoir établie? Non, ça permet la colère mentale ordinaire, permet une autorité mentale dans l'astral, c'est comme ça qu'on la développe. Mais on doit aussi continuer à développer sa parole, sa voix, pas nécessairement divine. On n'en sortira pas, on ne deviendra jamais immortel si on est mort. Hein, c'est... on est divin. On passe aux questions? Oui. Quelqu'un me dit, quand tu seras, tu sauras. Moi, je réponds, quand je serai, je ne saurai plus que je sais. Mais c'est exact. Le je suis ne sait pas qui il est, mais le savoir, sait-il qu'il sait? Mais on n'a rien à faire. Je ne regarde pas. Tu l'as vu? Non. La personne, elle a raison, elle a raison, raison, raison, raison, et hop, on dirait qu'elle a rien compris de ce qu'elle a dit avant. La conscience physique n'est pas consciente d'elle-même, ni la conscience vitale. La conscience divine, bouddhique ou supramentale ne sont conscientes ni d'elle-même, ni des autres consciences. Y a-t-il présentement une conscience créationnelle omnisciente et omniconsciente d'elle-même et des consciences qui la constituent? Donc, il faut faire attention ici. Bon, je ne veux pas piquer, mais en même temps, on a juste. C'est ici, c'est un ego qui pose la question. Mentalisé. La conscience physique n'est pas consciente d'elle-même. La conscience physique est totalement consciente d'elle-même. Mais votre ego n'est pas conscient de la conscience physique, alors il va dire la conscience physique n'est pas consciente. Le corps s'arrange très bien seul, puis s'arrange encore modestement mieux seul. Il est très conscient de lui-même. C'est pas une conscience spirituelle, mais il est conscient de lui-même. La conscience vitale, même chose, le corps vital est très conscient du corps vital, mais c'est pas, il n'est pas conscient du corps mental. La conscience divine, bouddhique ou supramentale ne sont conscientes ni d'elles-mêmes ni des autres consciences. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes uniquement parce qu'ils ne sont pas inclus dans l'homme. Tout ce qui est inclus dans l'homme devient conscient de lui-même et s'occupe de ses propres lois. Y a-t-il présentement une conscience créationnelle omnisciente? Oui, le plan de l'intentionnalité, on appelle cela le plan divin, et le plan bouddhique. La conscience supramentale, elle est omnipotente, elle est omniprésente, mais elle n'est pas omnisciente. Par rapport à l'homme, elle est omnisciente. Mais cosmiquement parlant, non. Bon. Et est-ce qu'il y a une conscience totalement consciente d'elle-même? Si c'est dans l'homme, automatiquement, ça l'est. Et l'homme a un avantage, il peut être conscient, lui, des consciences. L'homme peut être conscient du corps physique, peut être conscient du corps vital, peut être conscient du corps astral, du corps mental, etc. Alors que le corps physique est uniquement conscient du corps physique. Et il n'a pas accès à d'autres choses. Quand on vous dit la conscience astrale ne peut pas avoir accès à la conscience supramentale, c'est ça. L'être humain qui est totalement astralisé, il sait qu'il sait. Il sait qu'il a une conscience immémorielle, il sait parce qu'il l'a expérimenté. Et quand il pose la question sur la conscience supramentale ou sur la conscience mentale, tout ce qu'on peut lui dire, il y a de la difficulté à travailler avec ça. C'est ça. Ah, la question pourrait se poser dans l'autre sens. L'ego peut dire, quand je serai conscient supramentalement, alors je saurai. Et c'est là que c'est faux. Donc, la personne a raison lorsqu'elle écrit ce qui est écrit là. Quand je serai conscient, je ne saurai pas. C'est évident. Pourquoi? Parce que ça va être inutile. Sauf que l'individu va conserver une conscience instantanée de sa présence. Pour l'être humain, une conscience instantanée de sa présence, cela veut dire aucune conscience. Parce que l'ego n'est pas capable de constituer un concept qui, dans son astralité, va être capable d'englober l'idée que dans un moment donné où il n'y a pas de temps, tu as de la conscience. Parce que pour l'ego, la conscience est nécessairement tributaire du temps. Et c'est pourquoi on pourra dire, lorsque l'être humain est totalement fusionné, la conscience supramentale, qui elle est instantanée, il n'y a pas de conscience. Donc, quand vous serez supramentalisé, vous ne le serez pas. Mais vous serez conscient de votre état. Sauf que vous n'aurez pas besoin de savoir que vous êtes supramentalisé. Pour l'ego, c'est une subtilité qui est réelle. L'être humain, du point de vue astral, lorsqu'il est conscient, il ne le sait pas. L'être humain qui est totalement conscient, le sait qu'il est conscient. Mais il n'a pas besoin de le savoir. De ce fait, il ne se sert pas de le savoir. Autrement dit, il ne le sait pas. Quelle est la façon, la mécanique, que l'on doit appliquer pour construire un double éthérique fusionnel? Qu'est-ce qui a fait que, dans le passé, certains ont constitué un double éthérique non fusionnel? Il y a plusieurs façons pour parvenir à créer un double éthérique fusionnel. Premièrement, la meilleure façon, c'est de continuer à faire ce que vous faites. C'est la meilleure façon. Et c'est la meilleure façon. Ouais. La structure PMC est évidemment une structure qui est axée uniquement sur la création de l'anégoïsation qui crée le double éthérique. Étant donné l'information qui passe à travers les communications, les rencontres que l'on a, nécessairement, ça crée un double éthérique qui est fusionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'un être humain doit essentiellement faire le programme maître-contrôleur pour venir à ça. Le programme maître-contrôleur est une stratégie qui permet de faciliter le travail pour la majorité des personnes qui sont conscientisables. Mais ce n'est pas une clé sine qua non, mais c'est une clé de confort souvent. Qu'est-ce qui a fait que dans le passé, certains ont constitué un double éthérique non fusionnel? Pour arriver à la fusion, on doit orchestrer les deux états qui devront être fusionnés. Dans le passé, comme chez certaines personnes aujourd'hui, le système endocrinien et le système cérébral n'est pas capable de supporter une fusion avec un double éthérique. Dans le passé, la génétique des hommes, des femmes et des enfants ne permettait pas la fusion. De ce fait, il n'y a pas eu de fusion. Il y a eu des contacts, il y a eu des contacts opérationnels, il y a eu des contacts, par exemple, entre Moïse et son double éthérique, qu'il appelait Melchisedec. Il y a eu des contacts entre Abraham, il y a eu des contacts entre plusieurs autres personnages et leur double éthérique, sauf que le corps physique ne pouvant supporter une fusion, ces personnages sont morts. Et les doubles éthériques qui ne servent pas à un processus de fusion, dans certains cas, ils ont servi simplement à ramasser la personnalité astrale et hautement évoluée, c'est-à-dire de la conscience de ces personnages, et à un moment donné, ils se sont réincarnés. Ils se sont réincarnés dans d'autres corps physiques avec d'autres mémoires astrales, ce qui a fait en sorte que le double n'était toujours pas plus fusionnel. Les individus, à travers les processus de la réincarnation, finissent par arriver dans un temps où le corps physique, on parle du système neuronique et endocrinien, on ne parle pas des muscles, où le corps physique devient capable de supporter une fusion. Et ça, c'est dans les temps à venir qu'il y aura des corps physiques suffisamment solides pour supporter une fusion. Et rappelez-vous encore, c'est un corps physique qui est solide neuroniquement et endocrinalement. On ne parle pas de corps d'athlète. C'est évident que ça ne dérange pas d'avoir un corps en santé. Mais c'est au niveau du système neuronique et endocrinien surtout qu'il faut travailler. Est-ce qu'au niveau de l'imprégnation, un individu peut développer ou commencer à constituer un double éthérique juste par imprégnation sans nécessairement avoir la conscience avec une expansion de conscience? Bien, l'imprégnation fait surtout en sorte que tu es assujetti énergétiquement à autrui à toi. Mais donc, si par exemple deux personnes vivent ensemble, une personne est dans un processus évolutif, la seconde ne suit pas le processus, mais par le rayonnement de l'autre, va aussi évoluer. Elle évolue, mais elle ne s'en égoïse pas. Elle est un disciple inconscient. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas avoir de constitution de double éthérique. Par contre, ce qui peut arriver, c'est... ça peut arriver. On ne doit pas le dire. Par imprégnation, tu forces ceux qui t'entourent à créer ton double éthérique. On a oublié ça. Je perds de plus en plus la mémoire. Est-ce vrai que le fait de le dire souvent, ça empire? Allez, au moins vous rappelez de ça. Si c'est vrai qu'en le disant souvent, ça empire, alors dites souvent que vous allez gagner la loterie, vous allez finir gagner. Hein? Les personnes, ils sont souvent comme ça. D'un coup, il y a un accident, hey, parle pas de ça, quand on en parle, ça arrive. Ah, ben, dès qu'il a gagné la loterie, bon, pourquoi ça arrive jamais quand c'est positif, on pense toujours que ça va arriver quand c'est négatif. Non, vous n'avez pas le pouvoir sur la parole. que parlez-en tant que vous voulez, tout ce que ça fait, c'est que vous perdez votre temps, vous en parlez pour rien. Tu as dit à la dernière conférence du mois qu'il y avait deux conférenciers supramentales. Un qui faisait grossir la balloune jusqu'à ce qu'elle explose, et l'autre qui la faisait dégonfler. Qu'arrive-t-il de la balloune de ceux qui suivent les deux conférenciers? Il n'est que ça va le prix, hein? Allez, bien, c'est super fort, c'est vachement. Ceux qui suivent les deux conférenciers vont vivre dans la majorité le processus amené par la présence énergétique de celui qui les a rencontrés en premier. Il y aura des exceptions pour la simple raison qu'il y aura des individus qui auront... Faut comprendre une chose qui est plate à dire. Non, qui est plate à entendre. Vous allez voir. Un être humain qui, à un moment donné, se fait ouvrir une sphère supramentale par l'une des deux antennes collectives devra nécessairement passer par l'une des deux antennes collectives pour parvenir à sa supramentalisation. Alors, pour l'ego, ça veut dire, ah ben, ça veut dire qu'on t'envoie à Suéti de t'accompagner. C'est pas ça. On parle d'un outil. Par contre, un individu qui a commencé son cheminement supramental. Et là, je ne parle pas dans la philosophie, je parle d'un individu qui a commencé son processus supramental, qui a commencé à s'identifier supramentalement, un individu qui a commencé à découvrir du neuf avant même d'entendre parler, pas un individu qui dit « Ah, j'ai toujours pensé ça! » Non, non, un individu qui dit « Tu vois, je te l'avais dit. » Enfin, quelqu'un qui l'a dit avant. Celui-là peut cheminer avec l'une des deux antennes collectives, des antennes supramentales. Quand je parle collectives, ce sont des antennes qui permettent une diffusion de l'énergie supramentale. Ce ne sont pas des antennes qui collectivisent, les deux individualisent, ceux qui sont prêts à être individualisés, parce qu'il y a autour du monde, évidemment, pour se collectiviser. Et l'individu qui a donc commencé son processus, normalement, s'il relie l'une des deux antennes, c'est parce que dans ses vents intérieurs, ils ont travaillé ensemble. Et là, il peut parvenir aussi à faire un chemin seul. Mais dans la majorité des cas, les individus devront passer par l'une des deux. Ce qui fait en sorte qu'une personne qui, par exemple, est énergétiquement au contact des deux antennes supramentales, il n'y a pas de problème. Il y a une des deux antennes qui vient du Soleil, l'autre antenne vient d'une autre étoile. Et c'est ce qui a créé différentes mécaniques à l'origine, où on avait l'une des deux antennes qui est extrêmement violente, extrêmement inhumaine, et progressivement elle s'humanise, et on a l'autre antenne qui était trop humaine, et qui progressivement finit par, disons, se dissocier de la mécanique manipulative de l'humain, alors que l'autre était une personne qui bûchait à coups de hache, pour prendre une expression planétaire, parce que c'est un peu plus violent qu'une hache, au niveau d'égo. Et l'individu, donc, il n'y a pas de problématique. La personne, dépendamment qui elle a rencontré, ou dépendamment à laquelle des deux il va vibrer le plus du point de vue du chemin, et non pas du point de vue de ce qui est communiqué. Parce que ce qui est supramental reste supramental. C'est évident que dans la parole, il y a des différences, mais c'est la même chose. Donc, il n'y a aucun problème. C'est ça, parce que étant donné que l'information est la même, diffusé de manière différente. Est-ce que ça peut être simplement au niveau de l'ego, une forme de satisfaction d'aller chercher une information qui... Non, une personne capable de suivre, ça ne veut pas dire que tout le monde doit suivre les deux. Je dis une personne capable de suivre les deux personnages est une personne qui prend un terme qui ne flattera pas trop les égos, mais c'est une bonne personne. Une personne qui ne suit pas les deux est une bonne personne, mais une personne qui suit l'une des deux et s'identifie contre l'autre, est une personne qui est un disciple. Et là, elle protège son phénomène. Parce que tu peux dire, je vais voir l'une des deux personnes, mais je n'aime pas ça. C'est correct. Qu'est-ce que tu penses de la personne? Non, ce qu'elle dit, c'est la même chose. Mais j'aime pas la façon dont, c'est tout. C'est correct. On a nos oreilles. Bon, vous faites du gâteau, j'aime pas le goût, j'ai le droit. Mais je ne peux pas dire, parce que je n'aime pas le goût, que vous n'êtes pas un cuisinier. Il y a une grosse nuance. Alors, l'individu qui, par exemple, est capable de reconnaître les deux phénomènes, c'est un individu qui a déjà nécessairement un contact suffisamment avancé au niveau de son double éthérique en création et du contact supramental. Pourquoi? Parce qu'un individu qui est capable de simplement constater que c'est la même chose, c'est qu'il a une conscience individuelle chez lui. Alors qu'un individu qui est encore dans le disciplinaire, je ne parle pas, encore une fois, d'un individu qui ne suit pas les deux personnages. Je parle d'un individu qui n'est pas capable de reconnaître les deux personnages s'il a rencontré les deux personnages. Tu vois la nuance. Moi, je ne le connais pas, moi, donc je ne pas, ça n'a rien à voir. Je parle de ceux qui ont rencontré les deux et qui, à un moment donné, ont fait un choix en péjorativant l'autre. Ça serait un peu comme vous rencontrez le Nazaréen et vous rencontrez Dieu. Puis vous considérez qu'il y en a un qui a raison, l'autre a tort. Mais vous n'avez rien compris de celui qui a raison. Là, on laisse un snobisme de l'évolution. Alors qu'un individu qui est capable de suivre les deux, ou qui est capable de reconnaître les deux, et de suivre celui qui lui plaît, il n'y a aucun problème. Cette personne-là, elle est un peu, à un moment donné, comme le Nazaréen, ce qu'il avait dit à un de ses amis, c'est que pour que tu saches ça, il faut nécessairement que tu sois en contact avec mon père. Donc, en partant, c'est que pour que tu saches ça, c'est que nécessairement, t'es caractère unique, t'es connecté. L'individu capable de reconnaître les deux phénomènes comme étant la même chose, ben nécessairement, il est lui-même connecté, parce que c'est un savoir. On peut le dire, mais quelqu'un va rencontrer les deux. À un moment donné, il y a de mes amis qui est libraire, qui reçoit une personne. Elle a travaillé quelques années avec l'autre conférencier. Et elle est venue à une de mes conférences, elle a pris quelques cassettes, puis elle est allée lui révéler que l'autre, il connaissait absolument rien. Et Daniel Kim, lui au moins, il l'avait. L'autre, franchement, s'était rendu compte que c'était fait avoir. Ben, c'est vrai qu'elle s'est fait avoir. Puis deux fois, elle est allée se faire avoir avec moi. Ça qu'elle pas comprendre. Alors, la personne qui suit les deux, ben, il n'y a aucun problème, elle suit son chemin à elle. Est-ce que certains corps humains du Québec sont aptes présentement à donner naissance à un enfant qui n'est pas luciférien? La question est extrêmement dangereuse parce que les égos peuvent décider que c'est eux. De toute façon, non, la réponse c'est non. Mais probablement que vous n'avez pas une compréhension juste de la mécanique luciférienne. Lucifer, c'est de la lumière. Ça veut dire porteur de lumière. Dans un contexte terrestre et planétaire, la lumière, lorsqu'elle est matérialisée, lorsqu'elle est corporifiée, lorsqu'elle est terrestrifiée, elle veut s'en sortir. Et nécessairement, ça va créer des désharmonies dans la matière, dans le contexte terrestre. Et tout ce qui va être astralement créé par l'expérience planétaire va détester et rendre noir tout ce qui vient perturber l'harmonie planétaire. Alors que ce qui perturbe l'harmonie planétaire est ce qui a raison. Donc, avoir un enfant qui n'est pas luciférien, ça voudrait dire avoir un enfant qui n'a pas chez lui la caractéristique de vouloir s'en sortir et qui n'a pas chez lui la caractéristique de vouloir évoluer. Parce que Lucifer est la mécanique implantée dans chaque être humain qui le force à vouloir vivre une ascension, sacrer son camp. Et le corps physique, le corps vital, le corps astral vont entourer cela d'une mécanique sataniennes qui vont lui donner la jouissance de la vie, la jouissance de la matière, la peur de la mort, pour que tu restes dans la matière, mais la partie luciférienne est là pour que tu ne restes pas que de la matière. Alors, on devra amener les deux. Avoir un enfant qui n'est pas luciférien, parce que c'est sûr, on pourrait dire, moi j'aimerais avoir un enfant qui va être, par exemple, divin. Ben, c'est luciférien. Et dans l'Église catholique, on emploie surtout le terme Lucifer. Il est repris dans d'autres religions qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Lorsque l'on parle de Lucifer, on parle aussi de Dieu et on dit Dieu est parfait, Dieu a créé des anges parfaits, puis dans un de ces anges parfaits, l'a trompé. Un ange parfait ne trompe pas. Un ange imparfait va tromper. C'est prévu, c'est essentiel, c'est donné. Et par la suite, on va expliquer la chute de l'homme pour que l'humain accepte dans une culpabilité involutive, de rester sous contexte planétaire pendant que la partie luciférienne chez lui se refroidit et que la partie sataniennes, le corps, s'opacifie, se densifie. Quand on est rendu où on a un corps tellement opaque, tellement épais, tellement dense qu'on ne peut plus partir quand on veut, là maintenant on commence à se réveiller à la conscience luciférienne, la conscience de la lumière. Alors un enfant qui n'est pas luciférien dans le sens biblique du terme, oui, il y a des corps physiques présentement qui sont capables d'engendrer des enfants qui ne sont pas d'une luciférité noire. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont effectivement très blancs. ne sont pas lucifériens au sens biblique du terme. Mais étant donné qu'ils sont entourés d'une société extrêmement satanique, ben, ils deviennent lucifériens au sens biblique du terme assez rapidement. Au contexte, à un moment donné, c'est devient important d'avoir un cadre qui va permettre aux individus de se développer en fonction de ce qu'ils sont spiritiquement et physiquement, génétiquement. Daniel, l'humanité fait-elle partie actuellement de la Fédération intergalactique? Si oui, son, ses représentants, a-t-il commencé à instruire le public? Bon, Fédération intergalactique, évidemment, ça prend pas de tirer. Bon. Le terme Fédération intergalactique est un terme humain, n'est-ce pas? On doit comprendre. Le terme est intéressant. Il existe depuis longtemps. Et effectivement, il y a des êtres humains qui ont commencé à en parler depuis 1957. Une bonne année. C'est une bonne année, ça, pour les corps. Oh, oui, oui. La première fois où on en a parlé d'une façon sérieuse, d'une façon suffisamment instructrice, c'est quand on a expliqué clairement que l'humanité finirait par s'associer, que les Soviétiques travailleraient avec les Américains, que les Noirs travailleraient avec les Blancs, que les Jaunes travailleraient avec les Noirs, et même que les extraterrestres travailleraient avec les humains. Et le rôle, quand on a expliqué le rôle de la Fédération, et ça a toujours été un rôle qui permettrait à la conscience humaine de s'expandre, un rôle qui enverrait l'humain toujours plus loin, là où personne n'est allé avant, dans le but de reculer les frontières du connu. Et ça a été toute la série des patrouilles du cosmos. Où on parle de la Fédération. C'est une façon d'instruire l'homme. Ils sont revenus dernièrement avec une nouvelle forme d'instruction, où même les ennemis jurés de la première version sont au travail maintenant avec la deuxième version. Et on parle de patrouille du cosmos, nouvelle génération. C'est la race nouvelle, du point de vue de l'expression énergétique. Il y a présentement des êtres humains qui sont effectivement associés à ce qu'on peut appeler Fédération interplanétaire ou intergalactique, précisément. Et encore une fois, c'est un terme planétaire, un terme humain. Donc, il peut facilement être spiritualisé. Il y a présentement des êtres humains qui ont eu des contacts séraphiques avec des mécaniques extraterrestres. Il y a présentement des contacts qui sont opérationnels en ce qui concerne une intervention extraterrestre. Et lorsque je dis qu'il y aura à un moment donné un contact plus évident, ça vient de l'avenir. Et c'est un contact extraterrestre qui va être amené ici par des êtres humains qui sont présentement à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'expliquais, toi, quand tu vas rencontrer un extraterrestre, tu pourras le suivre et tu sauras que tu peux le suivre parce que tu vas reconnaître que l'extraterrestre qui se pointe devant toi, c'est toi. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître les extraterrestres qu'on devra suivre. Ou tu vas reconnaître que c'est moi, ou que c'est un autre. Mais tu vas reconnaître l'un des humains que tu connais aujourd'hui, avec lequel tu vis ou que tu as vécu, et qui, lui, parce qu'il sera dans l'avenir, va revenir en arrière, ramasser, on saura que. Il y a présentement des contacts. La planète Terre, est-ce qu'elle fait partie, du point de vue cosmique, elle fait partie de cette fédération, de cette alliance, uniquement parce qu'il y a certains humains qui sont capables de transport séraphique, donc qui ont été capables d'émettre suffisamment d'énergie, d'informations à travers les mécaniques de notre univers local, et cela a fait en sorte qu'il y a des rapatriements de processus fusionnels qui sont rattachés à nous, qui sont présentement en train de revenir. On a parlé un peu dans une conférence spéciale il n'y a pas tellement longtemps, et nécessairement, l'humain, la planète Terre en fait partie, sauf que ce n'est pas l'humanité au complet qui en fait partie. Mais ça, étant donné que ça se passe au niveau extraplanétaire, est-ce que ça se passe à l'insu des gens qui en font déjà partie? Non. Ça se passe au-su des gens qui en font partie, sauf qu'il y a des gens qui en font partie, qui, eux, travaillent avec des groupes d'individus qui, eux, savent, font partie de ce groupe-là. Okay. Ils ne sont pas au courant que le groupe fait partie. Peut-il y avoir des êtres de la race violette qui ont densifié leur corps de lumière en corps physique afin de leur permettre de se mêler à l'humanité actuelle? Présentement, non. Il y a des retours mémoriels de mécanique du passé. On est dans une ère où on approche de la fin d'un cycle majeur, on approche de la fin de la race blanche. On parle toujours de race neuronique. On est dans l'ouverture de la race bleue. À chaque fin de cycle, tout le passé, ce qui a vécu, vient se réincarner dans l'actuel présent. C'est ce qui explique les grandes guerres probables. C'est ce qui explique le retour des violences. C'est ce qui explique le retour du rétro. C'est ce qui explique plein de choses. Le passé se réincarne. L'Atlantide s'est réincarné, la Lémurie s'est réincarnée. Et nécessairement, on a eu des contacts avec les races adamiques, les races violettes, dans le passé. Ce qui fait qu'astralement, il y a cette vapeur, cette saveur de présence de la race violette. Mais ce n'est pas une race violette actuelle. Comment fait-on pour fusionner les personnalités qui se réincarnent en nous? On doit rester vivant. J'ai fait plusieurs conférences, des conférences du vendredi où on en parle. Le mois sur la réincarnation, entre autres, là, je ne connais pas les titres, mais on pourrait fouiller pour voir. Et il y a toute l'explication complète de la mécanique, comment on digère la réincarnation qu'on ramasse régulièrement. Actuellement, les prêtresses d'Avalon, se sont-elles réconciliées avec Arthur? Non. Le gros problème pour la réconciliation avec Arthur, Arthur, premièrement, n'a pas vécu jusqu'à sa mort. Bon. Sérieux? Oui. Arthur n'a pas vécu jusqu'à sa mort. Arthur, il a vécu... Il a vécu jusqu'à son fils. Par la suite, Arthur est parti et c'est Uther qui l'a remplacé. Tu connais Uther? Uther, c'est qui? C'est le père d'Arthur. Voilà. Et Arthur, une fois remplacé par Uther, est redevenu ce qu'était Uther, redevenu un imbécile colérique, belligérant et patati et patata. Et il a perdu le Graal, enfin, il a finalisé la perte du Graal, il est entré en guerre, il y a eu un paquet de problématiques. Et Arthur lui-même est, donc, n'a pas vécu jusqu'à sa mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est parti. Arthur est un bon personnage, c'est un bon gars, qui a toujours eu un petit défaut humain, c'est-à-dire un défaut par rapport à la race humaine, un défaut planétaire. C'est une qualité cosmique, c'est un défaut sur la planète. D'ailleurs, la majorité des mécaniques divines sont des maudits problèmes ici. C'est qu'Arthur n'a jamais pardonné à qui que ce soit, quoi que ce soit, parce qu'Arthur n'a jamais eu de... Il n'a jamais retenu les actions négatives des autres. Donc, Arthur n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Mais la majorité des gens ont eu des problèmes avec Arthur. Parce que, bon, exemple, écoute, Arthur, il faudrait qu'on se parle parce qu'on a un problème entre nous deux. Fait qu'Arthur, il... Ben, t'as un problème peut-être, mais seulement avec toi. Fait que, regarde ton miroir par toi. Moi, ça va bien. Tu peux venir tant que tu veux. T'es bienvenu. Pas aucun problème. Et la personne a dit, non, c'est pas clair. Tu sais, c'est... Arthur n'a pas de problème. Alors, ce qui arrive, c'est que la majorité des personnalités qui ont eu des problématiques avec Arthur, lorsqu'ils ont voulu régler avec Arthur, ils n'ont jamais été capables. Parce que du côté d'Arthur, il n'y avait jamais de quoi régler. Alors, les individus, en l'occurrence, la majorité des prêtresses, peut-être pas juste elles, mais la majorité des individus qui l'ont côtoyé, doivent régler avec eux-mêmes leurs problématiques. Les prêtresses, eux, ce sont des personnes qui... Elles ont une grande part à jouer dans la perte du Graal. Parce qu'elles n'ont pas informé, parce qu'elles n'ont pas formé, mais du point de vue d'Arthur et du point de vue de certains chevaliers, pas de tous les chevaliers, il n'y a jamais eu de problématique. À un certain moment donné, tu dis que Uther est venu prendre la place d'Arthur. Mais lorsqu'il a bu le Graal, lorsqu'il a été en contact avec le Graal, à ce moment-là, ça a été la perte de Uther. Non, lorsqu'Arthur Uther a bu le Graal, ce qui est arrivé simplement, c'est que Uther a revécu la création d'Arthur. Il a revécu le dragon, il a revécu le contact avec Merlin, il a revécu toute la conscientisation du fait qu'il s'était encore fait avoir. Et il est resté avec une forme d'amertume calmante, mais il est quand même entré en guerre, il a continué à faire des guerres, et finalement, il est mort aussi sur un champ de bataille pour pas grand-chose. Lorsqu'il y a disparition ou dématérialisation du corps physique, ceci est-il dû à un contact partiel avec le double éthérique? Ça peut ne pas. La majorité des personnes qui vivent une disparition corporelle sont des individus qui deviennent invisibles. Leur structure de pensée finit par se stationner ailleurs que dans la conscience terrestre, ce qui fait qu'étant donné qu'ils n'émettent plus télépathiquement aucune onde de pensée, les individus autour ne peuvent plus les voir. Comprenez ceci. La matière, elle rayonne, les plantes rayonnent, tout ce qui est matériel émet de l'énergie, et c'est uniquement par cette énergie qu'on est capable de percevoir notre entourage. Nous voyons avec les yeux de la forme illusoire, mais nous conscientisons la forme par l'énergie qui est présente. Cela revient à ce que j'ai déjà expliqué. Nous sommes tous sur des planètes différentes, dans des mondes différents, et astralement nous sommes reliés. Une personne qui, à un moment donné, n'aimait plus de penser, n'aimait plus rien, et qui, dans la façon dont elle travaille, consciemment ou inconsciemment, parvient même à éliminer totalement les expressions corporelles du point de vue énergétique, cela va faire en sorte qu'elle sera perçue par la matière, mais elle ne sera pas mémorisée par la conscience astrale, ce qui fait que, bon, tu as déjà pratiqué un peu l'invisibilité, tu te promènes, et puis moi je te vois, et au fur et à mesure que je la vois, vu que je ne peux pas la mémoriser, je ne peux pas dire que je la vois. De ce fait, tu n'es pas là, tu es totalement invisible. La majorité des structures d'invisibilité, au départ, sont des choses comme ça. Quand on parle de dématérialisation, c'est cela. Une dématérialisation réelle peut être suivie d'une rematérialisation ailleurs. Sinon, c'est une invisibilité par abstention d'émission, d'onde de présence. Mais qu'est-ce qui ferait qu'un individu se dématérialise? Parce qu'il veut ailleurs. OK, parce qu'il le veut. Ce n'est pas quelque chose qui tombe dessus. Bon, ce n'est pas une bombe nucléaire. Ça peut le dématérialiser. C'est des choses comme ça. Mais à part ça, là. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont se faire dématérialiser à un moment donné. Oui. Lorsque le double fusionne avec le corps physique, l'être quitte complètement ou partiellement le plan physique. Lorsque le double fusionne avec le corps physique, l'être ne quitte pas complètement ni partiellement. Lorsque le double éthérique fusionne avec le corps physique, le double rentre dans le corps physique et le corps physique devient un corps de lumière. L'être humain, ou l'être, est totalement présent, totalement conscient. Il reste dans le plan physique et c'est là qu'il vit une bilocation fusionnelle, une bilocation complète de conscience. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le plan physique, comme on le verrait présentement, mais il n'a pas quitté le plan physique. C'est clair? Ça veut dire que l'individu devient le plan physique, tout en étant le plan vital, astral, mental et supramental. Il a une conscience parfaite du point de vue supramental. Donc, il a une conscience globale, disons même absolue, galactique. Alors, il est dans le plan physique, mais pas comme on le conçoit. Donc, il n'est plus dans le plan physique, mais il ne l'a pas quitté. Mais quand tu dis pas comme on le conçoit, j'ai tendance à vouloir dire, mais comment? Mais en même temps, j'ai pas l'impression... Pour un observateur, qu'est-ce que ça fait? Pour un observateur, ça ne fait absolument rien. Ça fait simplement que tu vois un corps de lumière ou un corps de chair. Et puis, à un moment donné, il y a une automobile qui frappe le corps de lumière ou le corps de chair. Et puis, l'automobile, soit qu'elle s'enfonce dedans et elle tombe en morceaux, alors que la personne, elle essuie ce qui est sur ses pantalons. Ou bien, l'automobile traverse simplement l'individu, puis l'individu continue à marcher comme si rien ne s'était passé. Et pour l'observateur, il peut y arriver aussi que le corps se défait complètement et réapparaît carrément ailleurs. Ou que le corps commence à faire de la lévitation, il monte, il disparaît. Pour cela, normalement, il y a un halo lumineux qui commence et le corps devient de plus en plus lumineux, de plus en plus énergétique et progressivement, le corps finit par se dissoudre. Il est transporté en lumière et là, on a un transport séraphique, donc il y aura un contact avec quelque chose d'extérieur. Pour l'observateur, ça peut ressembler à des choses comme ça. Je ne dis pas que celui qui a un corps de lumière, il s'en va, il fait des spectacles comme ça. Dans la rue. Mais ça, pour les observateurs, donc pour l'humain, actuellement, ou dans les années, il me semble qu'il y a besoin d'un changement immense au niveau de la conscience pour que ce soit accepté sans clause, ça ramasse chez le psychiatre après ça. Habituellement, il ne se ramasse pas chez le psychiatre. Ça ramasse où? Ça ramasse interné pour longtemps. Mais il n'y a pas de personnes fusionnées qui vont. Il faudrait réellement qu'il y ait un accident, c'est-à-dire que ça se passe quelque part dans un endroit perdu de la planète, mais un endroit perdu qui a été trouvé par quelqu'un. Le pilote assiste comme observateur involontaire à cette mécanique-là, mais ce n'est pas des choses qui vont se faire devant les individus. C'est évident, encore une fois, que si le corps physique et le système donc neuronique endocrinien est suffisamment fort, quelqu'un qui verrait cela, qui vivrait l'expérience de la vision d'un corps fusionnel qui décolle en transport séraphique, il le supporterait. Il ne comprendrait rien, il parlerait d'extraterrestres, il parlerait de soucoupes volantes, il parlerait d'enlèvement, il parlerait de plein de choses, mais ça irait. Que doit-on faire pour se construire un corps mental puissant? On doit avoir un corps qui sera totalement isométrique cérébralement, et on doit avoir un corps mental qui sera totalement capable de contrôler le système endocrinien. Pratiquement, en ce qui concerne la structure même du PMC, l'individu qui met une fille à un point tel qu'il parvient à déplacer sa conscience dans une cellule, à cicatriser par exemple, ou à réorchestrer le corps physique, il a un mental extraordinairement puissant. L'individu qui travaille par exemple différentes techniques canalisation de l'énergie vitale, que ce soit le Kiai, entre autres, ou encore la colère mentale ou ces choses-là, il développe en même temps un corps mental formidablement puissant. Et l'individu qui travaille les techniques à Juppen, justement de la pensée, soit l'isométrie cérébrale entre autres, soit le comptage isométrique, comptage pluralitaire, démarche flottante cérébrale ou ces choses-là, tout cela ensemble fait en sorte que l'individu développe un fameux corps mental, et c'est ce que l'individu doit faire, développer un corps mental qui deviendra le maître contrôleur à bord. Daniel, comment accepter un leg sans problématique? Me le donner. Pas de problème là. C'est un gros problème, le leg. Si vous voulez que je vous réponde honnêtement et d'une façon transparente, je vais vous dire simplement, n'acceptez pas de leg. Et là, des personnes pourraient me dire, oui, mais écoute, il faut quand même être humain. Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie sans une scène, puis là, j'ai envie de me léguer 55 000 $. Puis là, tu me dis, prends-le pas. C'est ce que je dis. Et la personne, elle veut savoir comment accepter un leg sans problématique. C'est honnêtement pas faisable. Alors, la personne, elle peut faire... Il y a des stratégies astrales pour qu'on diminue la problématique. Vous recevez le leg, il vous le donne à un œuvre de charité. Dieu est content. Vous n'aurez pas trop de problèmes. Vous acceptez le leg et vous accomplissez une mission spirituelle avec. Mais à long terme, karmiquement, vous vous êtes fait avoir noir et solidement. La seule façon d'accepter un leg sans problématique, ce serait par exemple un individu qui a décidé un jour de faire une écurie merveilleuse, etc., et d'avoir des chevaux, des purs sangs, et puis à un moment donné, elle meurt, elle te lègue tout ça au complet, puis toi, tu accomplis ce qu'elle a à faire. Bon, évidemment, elle va se réincarner dans ton entourage, elle va se réincarner chez toi, elle va diriger ta vie, mais tu n'auras pas trop de problèmes karmiques. Tu n'auras plus de vie. Vous savez, il y a à un moment donné un point culminant où il faut faire attention à certaines choses, où on doit passer de la théorie à la pratique. Il y a quelques années, j'aurais été extrêmement mal en point d'avoir reçu en legs de l'argent ou de la matière ou un terrain. Je ne m'en serais probablement pas servi, mais j'aurais probablement perdu tous ceux qui m'entouraient. Parce que là, c'est comme si maintenant on a tout pour le faire, puis il ne veut plus le faire. Donc, c'était juste des histoires lancées debout. Grand parleur, petit faiseur. Tu sais quoi, un petit faiseur? Dans ma vision, oui. C'est ça. Et en parlant, petit faiseur. Ça crée de l'immortalité. Alors, il n'y a pas. Honnêtement parlant, quand on reçoit un legs, on reçoit un karma. Je vous donne mon karma et je vous paye 50 000 pour le prendre. Le voulez-vous? Vous dites, comment puis-je prendre de 50 000 sans prendre de karma? Impossible. On fait l'entente, on fait la transaction ou on ne la fait pas. Des individus qui, par le passé, ne connaissant pas la mécanique, ont accepté un legs comme ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pour se désassujettir? Ben, ils doivent maintenant continuer à digérer. Ils sont déjà probablement suffisamment emmerdés par leur legs. Quelqu'un qui vient juste de le recevoir, il est déjà... il va progressivement apprendre à s'emmerder parce que l'individu qui legs... Vous savez ce que c'est un legs? Un testament? Bon, il y a une autre façon de recevoir un legs sans problématique. Vous prenez le legs, vous le serrez, puis vous ne le touchez pas, puis vous le léguez un autre après. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'individu qui vous a légué va se réincarner, puis ça devrait revenir entre les mains. Bon, ça va bien. On ne s'en sert pas. Ni même des intérêts. Tout ça au complet appartient à l'autre. D'accord? C'est une chose. Parce que ce qui arrive, c'est que l'individu qui lègue, ce qu'il fait, c'est qu'il le contrôle, qu'il signe simplement, c'est qu'il va partager votre corps physique, votre âme et votre vie. Et vous allez venir partager son argent, son terrain, ses biens ou ces choses-là. Vous vendez votre âme au défunt en acceptant un legs. Ou si vous préférez, vous l'avez fait. Vous avez vendu votre âme au défunt en acceptant un legs. On ne se tape pas la tête sur les murs pour ça. Mais on cesse d'accepter les legs. Ce matin, j'ai reçu un éclair dans l'œil et dans la tête du côté droit. Legs en anglais, ça veut dire quoi? Jambe. C'est ça, hein? Ça nous fait une bonne jambe. Je recommence. Ce matin, j'ai reçu un éclair dans l'œil et dans la tête, du côté droit, et j'ai ressenti une activation de l'énergie dans la tête. Sur le moment, j'en étais un peu étourdie. Cela a duré une heure. C'est un phénomène intérieur qui n'a rien à voir avec la lumière extérieure. J'étais en forme. C'était en forme de prisme étoilé. J'ai pensé que c'était une entité moroncielle. Ai-je vu juste? Est-ce le début d'une acceptation de contact? Ce n'est pas une entité moroncielle, c'est simplement votre ajusteur de pensée qui est venu tripoter un peu votre cerveau. Une personne peut dire, « Ben oui, mais j'aurais aimé mieux que ça ait été une entité moroncielle. » Non, quand le double éthérique commence à venir au jour dans les oreilles, des bourdonnements ou des cilements longs, puissants, on ne parle pas juste des petits cilements, c'est toujours l'ajusteur de pensée qui vient sciller là, etc. Des fois, c'est en stéréo. Mais... Il y a aussi, c'est justement, ce genre de luminosité, c'est une perturbation, une restructuration du système neuronique, ce qui va faire en sorte, un peu comme quand on appuie sur l'œil, on peut voir de la lumière, alors qu'il n'y en a pas. Donc, on crée des dépolarisations particulières, et le cerveau va enregistrer. Quand il y a une mutation au niveau cérébral, il y a aussi des choses comme ça qui peuvent arriver. Il y a des douleurs, à un moment donné, qui peuvent apparaître, mais de temps en temps, c'est des mécaniques qui sont extrêmement énergétiques, c'est-à-dire comme lumineux. La personne, d'établir un sérieux contact. Avec son double éthérique, son ajusteur de pensée. Mm-hmm. Je vois l'antihomme dans toute son horreur. Comment me débarrasser? Non, on ne peut pas voir l'antihomme dans son horreur. Il n'y a que la personne laide qui ne peut voir que le lait. On ne peut pas voir son antihomme dans toute son horreur. Ça veut dire que vous avez encore une partie de l'antihomme chez vous. Mais tu peux constater l'horreur de l'antihomme en constatant la tienne automatiquement. Même pas. Moi, quand je vois mon antihomme, je vois comment c'est. Et jamais je n'ai fait... Ah! Ah, mais non! Moi, j'ai fait « voir ». Non, mais t'as qu'à dire un commentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le trouves laid, c'est qu'il y a encore de la laideur chez toi. Donc, ne pense pas que tu as vu la globalité de ton entier. OK, non, ça c'est clair dans cette vision-là, mais c'était pas ça que je voulais dire, par exemple. Comme... Voir l'horreur de son antihomme? Non, c'est parce que vous ne comprenez pas les mécaniques. C'est pas là un antihomme! C'est débile, c'est cave, c'est innocent, c'est sans dessin, c'est violent, c'est méchant, c'est tout ça. Puis le qualificatif, définir tout ça? Antihomme. Okay. Comment me débarrasser de lui, car ce n'est que de la merde? J'utilise des chirurgies astrales. Est-ce suffisant? Vendre des rouleaux de papier. J'utilise la chirurgie astrale. Est-ce suffisant? Premièrement, il faut utiliser la bonne technique de chirurgie astrale. C'est absolument essentiel. Parce que sinon, on ne fait pas de la chirurgie astrale. Et Vous êtes présentement en train, si vous faites de la chirurgie astrale, il y a présentement une vingtaine de personnes seulement sur la planète qui savent faire de la chirurgie astrale, parce que je leur ai montré. Si vous faites de la vraie chirurgie astrale, vous êtes en train de vous faire ramasser, c'est-à-dire que vous ramassez une partie de l'antium pour le détruire en avant de vous et le recréer en arrière. Parce que vous êtes capable de dire que c'est de la merde, que c'est ceci, que c'est cela. Donc, vous avez une vision très anti-hum de l'anti-hum. Comment on fait pour s'en débarrasser? Je reviens encore sur cette chose-là. L'ajustement de la parole va vous aider. C'est une façon évidente. Plus 868 mécaniques évolutionnaires que j'ai déjà expliquées jusqu'à date depuis les 5 dernières années. Tout ça mis ensemble, plus les prochaines que je vais avoir, pour vous permettre allègrement de vous sortir de la toilette. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous appliquez, beaucoup de choses que vous savez, mais on revient encore à ce phénomène-là. Si vous avez une vision, je ne parle pas de la spiritualiser, c'est évident que l'ego peut dire, bon, ok, ce que je vois là, c'est plus laid. Ce que je vois là, c'est pas beau. On joue avec l'énergie. Vous avez encore une vision astrale. L'antium a été essentiel, il reste essentiel. C'est la banque d'énergie qui va vous amener au contact supramental. C'est pas de la merde, c'est pas ça. Vous avez besoin de manger, disons, de la farine blanche cuite. Qu'on vous l'amène sous forme de gâteau ou sous forme de tsampa, ça ne change pas grand-chose. C'est quoi la tsampa? Non. C'est de la farine mélangée avec de l'eau. La colle. C'est de la colle. Mais une fois que tu es séché, ça ne colle plus. La tsampa. Bon. La forme, c'est pas grave. Alors, l'antium, c'est comme, alors, vous avez une tsampa, une galette plate, puis vous détestez ça, vous trouvez ça débile, etc. Mais c'est la même énergie que dans le gâteau. Mais c'est quand même une énergie qu'on doit travailler, qu'on doit restructurer. Absolument, mais la meilleure façon de la travailler, c'est de connaître la mécanique. Imagine le médecin qui va opérer pour un tumeur, ou mettons, un appendicite, puis tout le long d'opération, maudit appendicite, on va t'avoir à toi, oui, non, mais non, c'est des cellules, puis il y a un problème, mais t'as pas besoin d'en faire un plat, sinon tu vas chirurgicaliser comment? On peut pas dire charcuter, mais... Ouais. Mais tu... Faut que t'opères comme un médecin débutant. Mais, délicatement. Mais c'est ça, mais un médecin débutant va quand même ressentir une forme de crainte quand il va être en... Oh, mais ça n'a rien à voir! Parce qu'il est conscient d'une forme... Quand quelqu'un fait une chirurgie astrale, quand il se pointe devant l'antium, il n'a pas peur, il n'a pas chaud, il n'a pas froid, tout est correct. Mais quelqu'un qui arrive à pouvoir faire une chirurgie astrale, c'est quand même quelqu'un qui a une forme d'expérimentation, c'est pas un débutant. Non, c'est pas un débutant, c'est pas une débutante non plus. Donc, une personne qui perçoit pour une des premières fois son antium peut ressentir une crainte, donc... Oui, parce que la personne perçoit pour la première fois, elle perçoit simplement le filtre à travers lequel elle perçoit. Mm-hmm. Donc, elle ne voit pas l'antium, mais subitement, elle se rend compte que c'est bleu. Elle pense que le bleu est l'antium, mais le bleu est le fil. Alors, elle se dit, tout ce que je vois, c'est bleu, c'est l'antium. C'est pas ça. Si elle voit le lait, c'est que le lait est chez elle. Mais quand on parle de lait, c'est pas la mère à boire, elle est une père à boire. C'est que l'être humain est rendu à une conscience encore plus grande. La personne qui a vu son antium, on revient encore à la première partie, tout ce qu'elle peut se dire, c'est qu'elle l'a maintenant, elle est plus évoluée parce qu'elle voit plus clair. Elle va finir par s'en sortir, l'antium, il y aura des mécaniques qu'on va montrer, il y a des structures PMC qui existent déjà pour aider l'individu, sauf que la personne ne doit pas parler de l'antium comme ça. Sauf si elle est en colère mentale. Si c'est pas le cas, on va pas faire de colère mentale par écrit. Vous avez des questions, on les écrivait puis on revient.